je ne suis vraiment qu'un poète sans talent, n'écrivant que détresse, rimant avec tristesse. J'attends toujours enfin l'inspiration ultime, qui saura me guider vers l'art le plus sublime. Alors que je danse nu pieds sur des galets, pourvu que se répare cette mécanique. Yeah.